France Inter, le 13-14. Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, le climat est à nouveau orageux depuis le début du mois en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes s'opposent à la vente d'une usine de nickel à Goro, dans le sud de l'archipel, à 1h30 de route de Nouméa. La vente consacrerait la mainmise des multinationales sur les richesses de l'archipel. Selon les manifestants, il faut, disent-ils, une usine pays. Le site a été visé par des incendies et actes de dégradation la nuit dernière. Jeudi dernier, Jean, déjà, des manifestants avaient tenté de le prendre d'assaut. Et les anti-indépendantistes ont répondu samedi à Nouméa par une grande manifestation tricolore. Les Nouméens, qui s'affirment français, n'ont souvent Dieu que pour l'Amérique, ils éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre l'intérieur. Le nouveau président du musée du Quai Branly, que je vais souvent citer sans son autorisation, Emmanuel Casarerou, et fils d'un Kanak et d'une métropolitaine. Il dit souvent qu'on pourrait faire une thèse rien qu'en s'asseyant au marché de Nouméa. On y entend de l'anglais, du japonais, du tahitien, du marquisien, du wallisien, etc. Les Nouméens ont donc l'impression de vivre dans une société multiculturelle où chacun peut tenter sa chance. Mais du côté de Kanak, comme d'ailleurs du côté des Européens ruraux, qu'on nomme les broussards, on n'a pas cette perception. On croit à la souveraineté sur le sol. Et chaque fois que des violences ont lieu, revient la référence à la guerre civile, comme si elle était toujours toute proche. Emmanuel Casarerou, qui a 60 ans, dit que tel était le climat dans lequel a vécu sa génération. La voie la plus simple, observe-t-il, paraissait être celle de l'affrontement. Il rentre dans l'île en 1985 après que des barrages, fin 84, avaient déjà soustrait, cette fois très longuement, la plus grande partie de l'île à l'autorité de Nouméa. François Mitterrand avait nommé haut commissaire Edgar Pisani, un politique de haute stature. Lui, qui avait été acteur de la libération, dit avoir rarement vu autant de haine croisée. Beaucoup se cristallisèrent d'ailleurs autour de lui et il fallut l'éloigner. En janvier 85, avait été tué coup sur coup un jeune broussard, Yves Tual, attaché à sa terre et à la France. Puis le lendemain, peut-être en représailles, Éloi Machoro, un activiste kanak, spécialiste des opérations dures, du genre de celles qu'on vient de connaître dans l'usine de Nickel Sud. Ces deux morts portèrent un coup fatal au plan d'indépendance association que Pisani venait de proposer. À son avis, la Nouvelle-Calédonie pouvait disposer de sa souveraineté tout en contractant des engagements mutuels avec la France qui auraient garanti sa sécurité et celle des Européens. Indépendance, association. Alors les uns trouvaient qu'il resterait encore trop de France, les autres qu'il y aurait trop d'indépendance. L'idée méritait d'être éclairée par d'autres feux que ceux des assassinats. 1986, Chirac Premier ministre, retour en arrière, rupture, assaut de la grotte d'Ouvéa par les gendarmes. Et puis le lien est difficilement renoué par Michel Rocard. Et revient aujourd'hui la formule de Pisani. Pisani qui raconte dans ses mémoires que Djibaou, le leader indépendantiste, s'étant laissé convaincre par lui, l'avait mené par un sentier jusqu'à un arbre millénaire. Je n'ai pas voulu vous dire mon accord autour d'une table, mais là, au pied de l'arbre de mes ancêtres. Emmanuel Casarerou, pour revenir à lui, observe que le nickel, bien sûr, c'est important, mais que pour Djibaou, la culture kanak, c'est bien davantage. Casarerou qui s'interroge aussi. On est à juste titre fier de ses identités en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, à son avis, on pourrait former un peuple sur un autre modèle que celui de l'unicité de l'État-nation du 19e. La modernité de la décolonisation, ce serait d'explorer d'autres formes de vie commune, indépendance, association ou autre chose inédite. Il sera difficile d'inventer quelque chose de nouveau en reconduisant contre l'autre la violence qui fut déployée autrefois contre soi. Jean Lebrun, le vif de l'histoire, tous les jours avant 14h.